بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كثير من الناس في رمضان أصبح همهم الوحيد هو جلب الطعام والنوم، فأصبح رمضان شهر كسل وخمول، كما أن بعضهم يلعب في الليل وينام في النهار، فما توجيهكم لهؤلاء؟ Ils ont posé la question à Cheikh Ibn Uthaymeen par rapport au mois de Ramadan, أن certains ce mois c'est devenu un mois que pour manger et dormir. فأصبح رمضان شهر كسل وخمول. الكسل c'est la fainéantise. والخمول ça ressemble كذلك. صحيح أن البعض la nuit ils mangent et ils font certaines choses, ثم la journée ils dorment. Ils se réveillent très très tard et ils ont ce rythme pendant un mois. بعضهم كذلك يلعب في الليل. Toute la nuit, السهر, ils veillent. بعضهم c'est dans le haram clair. ثم la journée, ils dorment. Cheikh Ibn Uthaymeen قال رحمه الله: أرى أن هذا في الحقيقة يتضمن إضاعة الوقت وإضاعة المال. Et ces deux choses, c'est très très grave. Perdre son temps et perdre son argent. خاصة encore plus dans ce mois. هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن. Ce mois, il y a une nuit qui est mieux, qui vaut plus que mille mois. ليلة القدر. هذا الشهر شهر الصيام والقيام الذي من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui jeûne ce mois sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonne ses péchés. هكذا من قام رمضان, celui qui veille sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. قال: إذا كان الناس ليس لهم هم إلا تنويع الطعام والنوم في النهار والسهر على أمور لا تنفعهم في الليل, فإن هذا لا شك إضاعة فرصة ثمينة ربما لا تعود إلى الإنسان في حياته. Ça c'est un point important. أما que ce mois ça devienne une préparation pour manger, et toute la journée on prépare pour manger, ثم quand on mange, خاصة si on mange beaucoup, ça nous empêche d'accomplir certaines adorations, thumma on fait certaines choses autres que les adorations, thumma on dort, et hagada ça devient une routine tout le mois. C'est pas ça le but du mois de Ramadan. Ba'dhum sahih kama fi su'al, anna ce mois ils l'ont rendu c'est le mois de la nourriture. Hadha qawluhu at-tanwi'. At-tanwi' ça vient du mot nawa, ay différentes sortes. Ba'dhum leur préoccupation c'est hadha. Tous les jours qu'est-ce qu'ils doivent acheter, qu'est-ce qu'ils doivent manger. On ne dit pas que le musulman n'a pas le droit de se faire plaisir, il n'a pas le droit. Mais on doit avoir des limites. Et ce n'est pas ça l'objectif. Tu peux manger toute l'année. Mais هذا الشهر, لماذا il est différent des autres? Parce que c'est شهر الصيام والقيام. C'est le mois du jeûne et le mois de القيام, أي في الليل. صلاة التراويح على فضل عظيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا لا شك إضاعة أو إضاعة فرصة ثمينة ربما لا تعود إلى الإنسان في حياته. On doit pas oublier هذا. On ne sait pas نحن ce Ramadan qui arrive dans quelques jours, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا حتى نصوم هذا الشهر المبارك. On ne sait pas est-ce qu'on va jeûner cette année. Allahu أعلم. Est-ce qu'on va être vivant, est-ce qu'on pourra. ثم si on jeûne, on ne sait pas est-ce qu'on va pouvoir encore profiter de ce mois de Ramadan l'année prochaine et les autres années. فلهذا من النافع pour le musulman, un point très très profitable pour le musulman, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si c'était la dernière fois. Que ce soit pour ta salat, que ce soit pour le siyam, مثلاً, ce mois de Ramadan fait comme si c'était le dernier. Et sahih, peut-être que c'est le dernier, on ne sait pas. Léana, si on jeûne ce mois, le mois de Ramadan prochain, c'est dans un an. Et en un an, l'achat que beaucoup de muslimines ils vont mourir, etc. Et ça peut être un de nous. قال الشيخ ابن عثيمين: فالرجل الحازم هو الذي يتمشى في رمضان على ما ينبغي من النوم في أول الليل والقيام في التراويح والقيام آخر الليل إذا تيسر, وكذلك لا يسرف في المآكل والمشارب. هذا سي الرجل الحازم. سي لوم أو لا فام كي فون دي زيفور دون لور دين, كي زون دي زوبجيكتيف, qui ne suivent pas la vague. Surtout, هذا الرمضان. Si les mosquées, les masajides, ils sont encore fermés, on fait attention. Vu qu'il n'y a pas le masajid, salat al-tarawih, ça ne sera pas. Fait le masjid, na'am, l'insan, il peut très vite tomber vers al-kassal, la fainéantise, et il prend un rythme très, très mauvais. Amma, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a démontré que celui qui connaît la valeur de ce mois, là, chaque année, il va donner un temps pour dormir. Il va donner un temps pour faire salat. Il va donner un temps pour le Coran et le Karim. Il va donner un temps pour l'ilm. Il va donner un temps pour manger. Chaque chose à sa place. وَلَا يُسْرِفْ فِي الْمَاكِلِ وَالْمَشَارِ. Le mois de Ramadan, c'est un des mois, si ce n'est le mois où il y a le plus de gaspillage chez les musulmans. Pourquoi la faim, ça pousse à préparer plus. Pardon, mais ils ont les yeux plus gros que le ventre. Et beaucoup de choses, ça finit à la poubelle. Alors que Wa'd al-Masakin, ils ne trouvent pas de quoi manger. Kadali, qu'on fait attention à ce qui s'est propagé ces dernières années. Toute la journée, ils préparent, quand c'est prêt, les photos, sur les réseaux sociaux. Là, il y a un fait. Wa'd al-Ulama, ils montrent que ce n'est pas tayyib, ton frère qui reçoit cette photo, il n'a pas le même niveau de vie que toi. Certaines choses, il ne peut pas les avoir. Ouais. Et pourquoi montrer? Ça sert à quoi? Manger, c'est quelque chose de normal, tout le monde mange. Enfin, l'insane, il ne perd pas son temps à ça. قال رحمه الله وينبغي لمن عنده القدرة أن يحرص على تفطير الصوام إما في المساجد أو في أماكن أخرى. Et هكذا cette année, vu que normalement on va être encore en période de confinement, بعض المسلمين peut-être qu'ils ont des difficultés. Lakin en période de confinement, ce musulman peut-être tu le vois pas. Les massages ils sont fermés, etc. Fait l'insan يحرص كما قال شيخ ابن عثيمين. Fais des efforts. لأن التفطير الصائم, offrir le repas pour rompre le jeûne à un sa'im, il y a un fadl azim, il y a une énorme récompense. Au lieu de jeter. Et il n'y a pas de honte, Barbanaz, ils n'osent pas donner, mathalan, il a mangé, il reste certaines choses, il n'ose pas les donner. Ben, Barbanaz, il préfère jeter hada et donner autre chose. Les anna'indahum, ça ne se fait pas. Min'ayn, d'où ça vient hada, ça ne se fait pas. C'est de la nourriture, walillahi alhamd. Il n'y a aucun problème. Bard al-Masakin, ils espèrent hada, khasatan dans les pays musulmans. L'insan, matalan, ce qu'il n'a pas mangé, il le remet dans un plat propre et il l'emballe proprement. Alhamdulillah, il n'y a aucun mal. Bel, c'est des hasanat. Lakin, le shaitan, il nous fait croire que là, ça ne se fait pas. Tu as déjà mangé et ça finit à la poubelle. Au lieu que l'insan, il garde des hasanat, il profite de ses restes de nourriture, hakada, il tombe dans le gaspillage. Qala. لأن من فطر صائما له مثل أجره كما جاء في الحديث. Tu donnes à manger à un pauvre, tu es la cause que ce jeûneur y rompe son jeûne, c'est toi qui lui as offert, tu as la même récompense que lui. Alhamdulillah, tu as la récompense de ton jeûne et tu as la récompense de son jeûne. قال فإذا فطر الإنسان إخوانه الصائمين فإنه فإن له مثل أجورهم فينبغي أن ينتهز الفرصة من أغناه الله تعالى حتى ينال أجرا كثيرا. نعم. Et on répète que ذلك العناية بالقرآن. On fait des efforts. فرمضان c'est شهر القرآن. إن أنزلناه في ليلة القدر. Et ليلة القدر c'est pendant le mois de Ramadan. Donc on fait des efforts que ذلك في القرآن. On fait des efforts في العلم. On fait des efforts dans le bon comportement. Et on essaye de s'améliorer. Que ذلك on en profite pour الدعوة إلى الله عز وجل. Satan avec ses moyens de communication. Enfin, muslimoun, vous avez remarqué que fait Ramadan, ils sont beaucoup plus motivés. Les shayatines sont enfermées, les portes du paradis, elles sont ouvertes. On en profite pour faire un da'wa, appeler au tawhid, appeler au ilm, appeler au suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Et nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiq al-jami' wa naktafi bihada. Walhamdulillahi rabbil alamin. La référence, cette fatwa, elle est citée dans Kitab des soual, des fatwas fi siyam, un regroupement de fatwas de plusieurs savants dans le siyam. Alhamdulillah.